Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, deuxième partie, quatrième chapitre, de la véritable et parfaite dévotion envers Marie. Devoir qu'elle impose, et premièrement, amour que les enfants de Marie doivent à leur mère. Une des plus grandes faveurs que Dieu dans sa bonté ait faite aux misérables enfants d'Adam, c'est sans contredit de leur avoir donné Marie pour mère. Nous en avons déjà parlé ailleurs, selon la faible mesure de notre capacité, nous avons dit quelles sont les prérogatives de cette mère pleine d'amour, quelles sont les fins que Dieu s'est proposées en la destinant à devenir notre mère. Je n'ai pas intention de recommencer à traiter des obligations que cette qualité impose à Marie, je veux seulement passer en revue les devoirs que nous avons à remplir envers elle à titre d'enfant, et cela servira à nous donner quelque idée de ce que nous avons à faire pour être, autant que le permet la fragilité humaine, de véritables et parfaits serviteurs de cette auguste Vierge. Car un serviteur fidèle, un dévot éclairé, un véritable enfant de Marie sont des titres synonymes. Marie est donc notre mère et nous devons être ses enfants, montrer que vous êtes notre mère, lui disons-nous souvent, et elle a tout sujet de nous répondre, montrer que vous êtes mon enfant. Marie, il n'y a pas de doute, remplit à notre égard tous les devoirs de la mère la plus tendre et la plus affectionnée, nous devons, de notre côté, tâcher de remplir envers elle, aussi bien que nous le pouvons, tous les devoirs d'enfant soumis et affectueux. Quels sont les devoirs que nous impose cette qualité d'enfant de Marie? Ce sont précisément ceux que tout enfant bien-né doit à sa mère. Ils se réduisent à trois principaux: amour, respect, obéissance. Dans ce chapitre, nous nous bornerons à traiter du premier devoir, nous réservant de parler des autres dans les chapitres suivants. Le premier devoir d'un enfant envers sa mère est donc de l'aimer. Ce devoir est écrit non sur des tables de pierre mais dans la partie la plus intime du cœur de chaque homme. 2 Corinthiens 3:3, il y a été gravé par le doigt même de Dieu, qui, à l'instant où il nous a communiqué l'existence, a imprimé dans notre âme cette loi immuable et éternelle, cette loi qu'on appelle précisément pour cette raison loi naturelle. La connaissance de cette loi n'exige ni étude, ni raisonnement, il suffit, pour la connaître, d'être homme, d'être doué de raison et de sentiment. Ainsi rentrons nous-mêmes et voyons ce qui est écrit dans notre cœur, nous y lirons, ce que je n'ai pas besoin de prouver, savoir que l'enfant doit aimer sa mère. C'est une vérité évidente et manifeste, d'où je conclus qu'il est également évident que, si nous prétendons au beau titre d'enfant de Marie, nous devons l'aimer. Et comment, en effet, pourrions-nous refuser à Marie ce devoir essentiel? Comment refuser d'aimer ce qui est si digne d'amour? Comment refuser d'aimer cette sublime créature, qui, pour me servir de l'expression de saint François de Sales, est la plus aimable, la plus aimée, et la plus aimante de toutes les pures créatures? Elle en est la plus aimable. C'est ce dont on ne peut douter, mais de combien surpasse-t-elle en amabilité toutes les autres choses créées? Ô Dieu, qui pourrait le dire? Une créature est d'autant plus aimable qu'elle participe plus abondamment à la bonté souveraine, essentielle, infinie, qui est Dieu, puisque, si l'on y fait attention, une créature est digne d'amour en proportion de sa bonté. Elle est d'autant plus excellente qu'elle participe davantage à la bonté incréée. Or, dites-moi, si vous le pouvez, de combien Marie l'emporte en cela sur toutes les autres créatures, Et quelle intelligence autre que Dieu pourrait jamais sonder un tel mystère? Non, nous ne pouvons en aucune manière comprendre l'excellence et la grandeur des dons que la magnificence divine a déposés dans le cœur de Marie. Et par conséquent, il nous est tout aussi impossible de comprendre combien elle est aimable et digne d'amour. Oh, si nous en savions quelque chose, si peu que ce fût, comme notre cœur serait porté à l'aimer, si nous pouvions fixer nos regards sur Marie, toute autre créature en ce monde nous paraîtrait en elle-même, non plus digne d'amour, mais digne de mépris seulement. Jeunes gens insensés, jeunes personnes plus inconsidérées encore, à qui avez-vous prostitué les affections de votre cœur? À quelle futile beauté, à quelle vaine idole? Hélas, et quels fruits en avez-vous jamais recueilli? Des angoisses, des amertumes, des infidélités, voilà tout. Votre pauvre cœur a été torturé par les chagrins, déchiré par les jalousies. Apprenez enfin à vos dépens à ne plus vous fier à de semblables objets. Voulez-vous en trouver un vraiment digne de vous captiver? Allez à Marie, celle-ci mérite vraiment toutes les affections de votre cœur, elle est digne de tout amour. Les saints assurément ne pouvaient trouver, après Dieu, d'objets plus dignes de leur amour que Marie. Ils concoururent pour ainsi dire à l'envie à qui l'aimerait davantage. Marie est la créature la plus chère à tous les vrais fidèles, à tous les anges, à tous les saints, à Dieu lui-même. Il y a bien des âmes qui aiment Dieu et sont aimées de Dieu, il y en a beaucoup, sans doute, Cantique 6, 7, mais une cependant, une seule est la bien-aimée, la fille de prédilection entre mille. C'est en elle, c'est en Marie, que Dieu et toute la cour céleste trouvent un objet de complaisance toute spirituelle et ineffable. N'est-il donc pas raisonnable que nous nous unissions aux saints, aux anges, à Dieu même, pour aimer Marie de tout notre cœur? Quoi, nous serions les seuls qui refuserions d'aimer celle qui est aimée de tous? Je ne veux pas, je ne puis pas croire qu'il y ait quelqu'un qui voulût lui refuser ce tribut d'amour. Nous devons être d'autant plus portés à l'aimer que non seulement elle est aimable, non seulement elle est aimée, mais que de plus elle est aimante. Oui, elle est aimante et la plus aimante de toutes les pures créatures, comme elle en est la plus aimable et la plus aimée. Nous avons considéré ailleurs combien le cœur de Marie est brûlant d'amour pour nous, et je n'y reviendrai pas. Elle nous aime d'un amour presque infini, d'un amour inconcevable pour tout esprit créé, elle a pour nous des entrailles maternelles et plus que maternelles. Il faut donc à toute fin, si nous avons un cœur, que nous aimions celle qui nous a tant aimés, et qui nous aime si vivement encore. Ah, il faudrait qu'un cœur fût par trop dur pour que, non seulement il se refusât d'aimer un objet trop digne d'amour, mais qu'il s'y refusât même après en avoir été prévenu, ce ne serait plus un cœur, mais une pierre, un rocher, et pis encore, car la pierre, le rocher, quelque dur qu'il soit, n'ont pas la force de résister aux flammes quand elles sont assez ardentes, or, quelle flamme plus ardente que celle qui s'élance du cœur de Marie? Quel amour plus fort que le sien? Quel charbon de feu n'amasse-t-elle pas sur nos têtes? Et cependant ce cœur ne brûle pas, il n'est pas même réchauffé. Le cœur humain, dit-on, est capable de résister à tout, excepté à l'amour. Cela n'est que trop vrai, quand il s'agit de l'amour voluptueux et profane. Vous verrez des personnes courageuses résister à la haine, résister aux affronts, à la mort même, mais sont-elles assaillies par l'amour? Il faut qu'elles cèdent. La raison n'est que l'amour est le premier acte et l'acte le plus puissant du cœur, c'est le ressort principal de nos actions. Tant qu'une forteresse n'est assaillie que par le bas, il est facile de repousser l'ennemi du haut de la tour, mais si c'est le sommet qui se trouve escaladé, il n'y a plus moyen de résister, il faut se rendre. C'est ce que nous voyons chaque jour, quand il s'agit de l'amour sensuel. Mais pourquoi la même chose n'a-t-elle pas lieu pour l'amour envers Dieu et envers la bienheureuse Vierge? La raison, selon moi, c'est que nous résistons à l'amour avant qu'il n'entre dans notre cœur, nous lui fermons la porte en face, nous ne lui laissons aucune issue par où il puisse s'introduire, et si jamais il commence parfois à pénétrer, on le laisse mourir faute d'aliments. On avertit souvent de se précautionner contre les insinuations perfides, de résister aux attraits profanes, en empêchant que les objets séduisants ne pénètrent dans le cœur, en fuyant les occasions dangereuses, en faisant diversion à ses pensées quand leur image se présente à l'esprit, en fuyant tout ce qui pourrait fomenter le funeste incendie, comme les entretiens et les lectures sur ces sortes de matières, et surtout la lecture de lettres ou de billets dictés par la passion. Plus à Dieu que toutes ces précautions et autres semblables fussent mises en pratique, on ne verrait point tant de désordre inonder le monde. Mais les hommes pour l'ordinaire ne font rien de tout cela, par suite ils se trouvent misérablement enchaînés, et l'enfer engloutit une multitude d'âmes rachetées par le sang de Jésus-Christ. Savez-vous bien quand on observe toutes ces précautions, c'est quand il s'agit de l'amour que nous devons à Dieu et à Marie, qui, il semble qu'on veuille se prémunir contre cet amour en mettant en pratique tous les moyens que suggèrent les maîtres de la vie spirituelle pour se préserver de l'amour profane. Voilà quelle est la raison pour laquelle notre cœur, qui est fait pour aimer, résiste à l'amour envers Dieu et envers Marie. Nous devons, si nous voulons y allumer ce saint amour, enlever les obstacles que nous y apportons, et ne les opposer qu'aux objets profanes, ainsi nous en ferons des précautions salutaires. Nous devons donc en premier lieu ouvrir la porte de notre cœur à Marie, l'inviter à y entrer, la prier plutôt de daigner en prendre possession. Il est certain que c'est là l'objet de ses plus ardents désirs, il reste donc que nous conformions nos désirs aux siens. Nous devons saisir avidement toutes les occasions propres à réveiller en nous son souvenir, visiter, par exemple, quelqu'une de ses pieuses images, quelqu'un de ses sanctuaires. Nous devons prendre à tâche de repasser souvent dans notre esprit ses grandeurs, ses prérogatives, ses amabilités, nous ferons bien de consacrer un moment chaque jour, pour autant que cela nous soit possible, à quelques considérations propres à enflammer nos cœurs de son amour, ainsi penser aux bienfaits que nous avons reçus par l'entremise de Marie, aux douleurs qu'elle a souffertes par amour pour nous, aux éminentes vertus qui la rendent si chère à Dieu et aux saints. Cet exercice devrait se faire tout particulièrement le jour de ces fêtes. Le vénérable Suarez, dans ses sorts de jour, employait 2 heures entières à méditer sur quelqu'un des privilèges de Marie. C'est ainsi qu'en ont agi les saints et toutes les âmes pieuses qui ont voué un amour particulier à cette auguste Vierge. Notre cœur est constitué de telle sorte qu'il ne peut aimer que ce que l'intelligence lui représente comme digne d'amour. La porte du cœur est donc l'esprit, si nous la fermons, il n'y a pas d'autre issue par où l'amour puisse entrer, si nous l'ouvrons, l'entrée reste libre, et l'objet peut à son gré s'introduire dans le cœur. Il serait bon aussi de s'occuper quelquefois de la lecture d'ouvrages qui concernent la Sainte Vierge, qui traitent de ses privilèges et de ses vertus, telles sont les gloires de Marie, de Saint Alphonse de Ligorie, le dévot de Marie par le Père Paolo Signori, et autres semblables. Ce sont là comme des lettres pleines d'amour que Marie nous envoie par l'entremise de ses serviteurs. Rien n'est plus propre à suppléer à la faiblesse de notre esprit qui ne peut se fixer longtemps, sans difficulté, sur un objet spirituel, tel que Marie. Il serait utile de s'en entretenir souvent avec des personnes que nous savons être dévotes envers la Sainte Vierge. De petits foyers rapprochés l'un de l'autre en forment un plus grand, ils se prêtent un mutuel secours. Ils s'excitent et s'enflamment l'un l'autre. Souvent il arrive que deux cœurs sont presque froids à l'égard de Marie. Eh bien, faites en sorte qu'ils commencent à en parler, et vous verrez que peu à peu, et comme insensiblement, ils se trouveront tous deux enflammés. En un mot, si nous avons à cœur l'amour de Marie, nous devons faire, pour l'acquérir, le conserver et l'accroître, tout ce que font les mondains insensés, pardonnez la comparaison, pour leurs plus folles amours. Au plus à Dieu qu'on y apporta toujours la même ardeur, vous verriez bientôt le monde entier brûler d'amour envers Dieu et envers Marie. Je me contenterai même à moins il me suffirait qu'on employât seulement la moitié de la diligence dont les mondains usent communément à l'égard des idoles qu'ils adorent, mais, hélas, la plupart n'en font pas encore autant, aussi je ne sais quelle excuse nous pourrons alléguer au jour du jugement pour couvrir notre négligence, et nous disculper du peu d'empressement que nous montrons à allumer dans nos cœurs ce feu céleste, que Jésus, ainsi qu'il nous l'assure, est venu tout exprès apporter sur la terre. À quelle confusion pour nous, mon cher lecteur, d'avoir eu un cœur pour aimer des objets frivoles, pour aimer ce qui ne mérite en rien notre amour, et d'être resté si insensible à l'égard des objets les plus dignes de toutes nos affections. Oui, je rougis en votre présence, ô Marie, quand je songe à mon impardonnable indifférence, que mon cœur vous aime peu. Mais pourquoi ne vous aime-t-il pas? Serait-ce parce qu'il n'est pas né pour aimer, parce qu'il n'est pas porté à aimer? Rien n'est plus faux. Ma propre expérience me convainc que mon cœur est excessivement porté à aimer, et je sais avec quelle constance, avec quelle ardeur il a aimé autrefois la vanité. Oh, alors rien ne me paraissait superflu de tout ce que je faisais pour ces frivoles objets. Tous les moyens étaient doux et agréables, dès qu'ils servaient à fomenter ou à accroître l'amour réciproque. C'est là qu'aboutissaient toutes mes pensées, toutes mes inquiétudes, tous mes désirs. Avec quel plaisir mon esprit s'entretenait de ce qui pouvait nourrir le souvenir de l'objet aimé. Avec quel plaisir je conversais en sa présence. Ô honte, ai-je maintenant le même zèle, la même ardeur à votre égard, ô ma tendre mère? Ah, si je vous consacrais seulement la centième partie des soins que je prenais alors. Maintenant tout m'est à charge, tout, jusqu'à vous donner un regard, jusqu'à parler de vous, jusqu'à lire les livres qui m'entretiennent de vous, jusqu'à penser à vous. Je suis forcé de faire cet aveu à ma honte et à ma confusion, ô Marie, la plus aimable, la plus aimée et la plus aimante des mères. Hélas, puisque je suis si froid, je m'adresse à vous pour être réchauffé, qu'une seule étincelle de l'incendie qui brûle dans votre cœur descende sur le mien, c'en est assez pour l'enflammer et l'embraser. Je veux vous aimer, ô ma bonne mère, je veux vous aimer, il me semble que je vous le dis de bon cœur, mais je ne comprends pas comment, supposez cette bonne volonté, j'éprouve si souvent des ennuis dans votre amour. Vous en savez la cause, apportez-y le remède nécessaire. Markandanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.